Chapitre 3, l'attitude de résignation. Le monde va trop vite, on n'arrive plus à suivre l'accélération. Nous entendons beaucoup cela en effet. Par exemple, nul n'est censé ignorer la loi, or il est diffusé chaque jour une masse d'informations, de pages entières de normes, de règlements qu'aucun cerveau humain ne peut intégrer aujourd'hui. Il en est de même pour les technologies. Par exemple, quel pourcentage du potentiel de ton ordinateur utilises-tu? Et encore, la plupart des équipements que nous avons achetés sont dépassés au moment où nous commençons à les utiliser. On est tous dépassés. Dépassés dans la course incessante contre la montre que nous propose le monde moderne. Dépassés par les techniques, dépassés par la complexité des systèmes, dépassés pour rester dans le peloton de tête de la compétition permanente. C'est pourquoi certains baissent les bras et se laissent tirer dans le wagon de queue du train qui a pris trop de vitesse. Pourquoi ne descendent-ils pas du train? Bonne question. C'est le choix de certains. Je t'en parlerai plus tard. Il faut bien comprendre que sauter en marche demande de l'énergie, une prise de risque. On ne sait pas sur quoi on va tomber. On risque de se retrouver seul, puisque les amis et la famille sont restés dans le train. Donc, on se résigne à y rester. Et donc, on se résigne à accepter la poursuite du désordre actuel. C'est ce sentiment d'impuissance qui explique l'absence de révolte à des situations pourtant révoltantes. Prends l'exemple de la Grèce, où l'austérité qui est imposée ruine des familles entières, fabrique des chômeurs à l'appel, jette ses familles dans la rue. Tout ça pour rembourser ce qu'on appelle la dette publique. Quand on a une dette, il faut bien la payer un jour. Oui, seulement si elle est légitime. Or, il n'y a toujours pas d'audit de la dette, parce qu'elle montrerait qu'elle consiste à rembourser les banques et leurs riches actionnaires qui ont trop perdu au jeu de la spéculation. De plus, de plus en plus d'experts reconnaissent que ces dettes ne pourront jamais être remboursées sans saigner les pays comme c'est déjà le cas dans le tiers-monde. Et ils ont le culot de justifier l'espoir d'une relance économique par la consommation en appauvrissant les consommateurs. Et il paraît que la Grèce ne payait presque pas d'impôts. Déjà, souviens-toi qu'il ne faut pas globaliser. De qui parle-t-on quand on parle de la Grèce? De la population pauvre, qui à force d'invasion au cours des siècles avait appris à se débrouiller seule, sans un État régulateur? Ou bien est-ce qu'on parle des riches, par exemple les armateurs, qui avaient bien réussi à ce que leurs profits ne soient pas redistribués? Sans parler de l'évasion fiscale, à laquelle même en France on se résigne quand le gouvernement recule sur la taxation financière ou la séparation des activités bancaires et spéculatives. Oui, mais on voit des manifestations à la télé lorsque des usines sont menacées de fermeture. Sauf que c'est souvent davantage pour obtenir des indemnités individuelles que pour contraindre à maintenir l'activité industrielle en la débarrassant de ce qui l'affaiblit. Des frais généraux dispendieux, des salaires exorbitants de dirigeants, des marges de profit immorales réclamées par les actionnaires. Il faut bien que l'entreprise fasse des bénéfices. Oui, mais prenons le temps de regarder comment ils se produisent, ces bénéfices. Une entreprise classique, elle investit pour acheter des matières premières, des équipements et de l'énergie. Tu comprends bien qu'elle doit vendre plus que cela lui a coûté. La différence s'appelle la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée doit permettre de rémunérer les travailleurs, ceux qui ont produit la valeur ajoutée, et payer des impôts, car elle profite de nombreux services publics. Là, les recettes et les dépenses s'équilibrent, si je comprends bien. Où est le bénéfice? J'y arrive. Il faut en effet que la valeur ajoutée soit supérieure pour dégager de la marge dans trois directions. Pour les investissements, c'est-à-dire l'avenir, pour les fonds propres, c'est la trésorerie, et pour les actionnaires, c'est ce qu'on appelle le coût du capital. Et c'est là que ça dérape, depuis que la voracité des financiers a ruiné l'économie. Le compromis entre le coût du travail et le coût du capital s'est déséquilibré, et des entreprises ferment aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas assez profitables pour leurs propriétaires. Et on accepte qu'ils veuillent ainsi toujours plus de profits? Cela n'a pas toujours été le cas. Il y a eu dans le passé des refus si nombreux de cette exploitation que des concessions avaient été obtenues. On parlait alors de lutte des classes entre ceux qui possèdent l'argent et ceux qui vendent leur force de travail. Mais les premiers ont gagné, et on ne parle plus ou presque plus de lutte de classe. La plupart courbent le dos en espérant rester dans le train, même si c'est un wagon de troisième classe sans banquette. Ils ont peur ? Peur. Peur du chômage, peur du déclassement social, peur de relever la tête et de se la faire faucher. On pourrait...